Un foulard rouge, un béret et une barrette. Tous Français vivent à Paris ou sur la Côte d'Azur. En France, on a tous une vie sur la Tour Eiffel. Bien qu'on mange de la viande de cheval, de grenouille, des escargots ou des fromages bien, notre cuisine est connue comme une des meilleures du monde. En France, on est élégant, avec des grands couturiers réputés dans le monde entier. Même si les Français les plus célèbres sont Jeanne d'Arc, Napoléon, le général de Gaulle, le commandant Cousteau ou Léon Marceau. En France, notre alimentation est à base de croissants, de farins, d'ail et d'oignons. Et nous ne buvons que du vin rouge ou du champagne. En France, on croit que les frites viennent de Belgique. En France, on se donne rendez-vous dans des cul-de-sac. Les Français aiment les femmes, mais pas dans les affaires ni en politique. Ah, voilà notre quota féminin. En France, on dit souvent « Oh là là !» En France, on a une façon très spéciale d'embrasser. En France, on écoute de l'accordéon en tous. En France, on a des bâtons rouges, les vêtements français les plus connus et une entrée en paradis. En France, on a les déjà vu. La France est le pays de la diplomatie. Vive le Québec libre. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. En France, les fiches sont jolies. Mais ne se rase pas. En France, on ne se lave pas. Pourquoi croyez-vous qu'on fasse des parfums? En France, les taxis sont grossières. En France, les cervelles sont grossières. En France, on a des super-héros sexy et des mascottes publicitaires poétiques. En France, on coupait les têtes avec une machine bizarre. Ah! En France, on veut approuver nos silons d'un empire. En France, le sport populaire est la pétanque. Ah oui, encore un seul coup de Jean-Pierre qui marque un point pour l'équipe bleue. Revengeons l'action au ralenti. Il y a énormément de Français célèbres comme Picasso, qui est d'Espagnol, Salvador Dalí, qui est d'Espagnol aussi, Vincent Van Gogh, qui est de Hollandais, Apollinaire, Federer Chopin ou Marie Curie, qui tous trois étaient polonais, ou Josephine Baker, qui est d'Américain. La France est le pays des droits de l'homme. En France, on est toujours un rêve ou un bagage. Vive la France!